Voici autre chose qui n'arrivera jamais. Okay. Je ne te succéderai jamais dans un baisoton de 23 gars pour célébrer l'anniversaire d'une porn star de 23 ans. OK. Parce que là, à matin, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questions, mais est-ce que tu passerais avant moi, mettons? Ouais. Est-ce que tu aimerais ça être le premier... De 23. Sur une série de 23 gars qui veulent avoir des relations sexuelles avec la même fille le même soir? Ben franchement... Être le premier dans la file, aurais-tu le goût de le faire avec Heidi Van Horney? Parce que c'est son nom. Oui, Heidi Van Horney. De la célèbre famille Van Horney. Qui était au Québec depuis des siècles. Ouais, c'est des Irlandais qui sont débarqués en 1746. La famille des Van Horney. Il y a les Tremblay et il y a les Van Horney. Ouais. Deux grandes traditions québécoises. Elle est rendue à 23 ans et avec la complicité d'un producteur de films de cul, a décidé que pour son 23e anniversaire, elle voulait se taper 23 gars dans la même journée. Puis c'est pas une farce, là. C'est dans le Journal de Québec à matin, là. Puis, faut comprendre que tout ça se passe dans le contexte d'un producteur de films porno. Et voilà. Elle commence dans le domaine de la porn. Elle veut faire parler d'elle. Et elle a calé un party privé annoncé sur Facebook où elle veut, baiser 23 gars un après l'autre pour ses 23 ans. Mais là, le problème, c'est qu'il y a 500 gars qui sont inscrits. Moi, je veux voir les inscriptions. Je veux voir les CV dans la pile. Ben, tu serais surpris. Ben, je le sais que je serais surpris. C'est pour ça que je veux voir. J'ai l'impression que tu pourrais faire 3-4 piles bien distinctes. Si vous estimez pas le nombre de gars qui auraient le goût d'embarquer dans une patente comme ça, là, ben, l'affaire de même, là. S'il y a une affaire que je veux pas savoir, là, c'est ce que vous faites dans vos chambres à coucher. OK? Ouais. Que vous jouiez aux pompiers en laisse. Que vous vous enfiliez un costume de mascotte pour vous frotter sous votre blonde ou sous votre chum. Il y a un de mes amis qui a un poteau de danseuse, sa blonde a des costumes d'hôtesse de l'air, tout ça, là. Qui font des spectacles, qui vous en parlent. Tu me confirmes-tu que c'est pas le costume d'Air Canada? C'est le costume de Paname, je pense, qu'il y a. Paname! C'est un ami d'enfance. Okay. Tu sais, on jase de temps en temps, puis je vais montrer ça. Lui, chez eux, sa blonde, elle a le costume de Paname. Bon. Et, un poteau. Puis lui, il fait le pilote, puis elle a fait l'hôtesse en spectacle. Ils ont d'autres costumes aussi, okay. Ils ont une variété de costumes. J'ai pas de problème là. J'ai pas de problème avec ça, puis vous faites ce que vous voulez, puis on est des adultes consentants, puis ça nous regarde, là. Mais à partir du moment où elle s'expose, puis qu'elle dit, je veux me taper 23 gars en un soir, je me donne le droit de dire, urk. Ben, en fait, j'irai pas aussi loin que toi. Moi, je le ferais pas, là. M'intéresse pas de passer après les autres, là. Mais même premier. Mais moi, je pense que c'est Même premier, non. Savoir qu'il y a 22 gars bandés en arrière de toi qui attendent que tu finisses. Ah, comment? Ouais, excuse, là, mais la fille, là, honnêtement, je la connais pas. Je suis pas un consommateur de porn. Tu sais, je sais pas c'est qui, elle. Ben, excuse, mais c'est pas une charrue. Là, non, les photos que je vois dans le journal à matin. Elle a pas l'air d'une charrue dégueulasse. Elle pourrait être agent d'immeuble, tu ferais cute, l'agent d'immeuble. Ben, j'ai vu des photos. Avant de voir le texte, et oui, c'est une belle fille. Mais tu sais, mais sachant ce qu'elle veut faire, je suis plus capable de la trouver belle. Je trouve ça dégueu. Je suis pas prude, C'est dégueu. Passer 14e, même passer 2e, 3e, c'est dégueu, là. Hey, le premier, Et moi, j'ai jamais compris les gars qui acceptent qu'il y ait un deuxième gars dans une relation sexuelle. Dans la même journée, tu veux dire. Un gars qui me dit, moi, je trippe avec 2-3 filles, je peux le comprendre. Mais le gars qui dit, ah, moi, j'aime ça, un party d'échangisme avec des gars à côté. Hey. Ça, je m'excuse, je n'ai jamais compris ça. Autant, je comprends pas ça, là. Les images, c'est pas drôle, c'est d'un film, ça me hante encore. Mais les images, comprends. Les images dans Québec-Montréal, des deux chums de gars qui se ramassent d'un trip à trois à un moment donné, pis qui se regardent dans les yeux, puis là, ça fuck la patente, puis tabarnouche. Mais je peux comprendre le petit gars de 18 ans, rempli d'hormones, qui dit, hey, tabarouette, elle, j'aimerais ça être le premier dans le fil avant les 22 autres. Mais un gars de 18 ans rempli d'hormones a juste à sortir d'un bar le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. On a le rapport qualité-prix au Québec. Un gros cave comme moi, dans son époque célibataire, pouvait s'amuser tous les soirs et qu'il voulait. Mais ça, tu le comprends pas tant que ça quand t'as 18 ans. Mais regarde, je veux pas m'embarquer là-dedans, je peux comprendre qu'un kid de 18 ans qui fantasme, là, qui a la testostérone dans le piton, que le gars fantasme sur une fille qu'il a vue dans des vidéos porno. Là. Tu sais, tu comprends-tu? C'est probablement ça qui explique le phénomène. Quoi qu'il doit avoir 2-3 gars de 40 ans aussi. Ah oui, ça se peut que le monsieur de 47 ans, il la trouve cute. La petite de 23, ça peut y tenter. Non? Ça se peut qu'il y ait toutes sortes de monde dans les 500 qui se sont inscrits. Là, ils vont faire ça dans un club échangiste. OK. Puis là, dans l'article du journal, le matin, ils disent, regarde, c'est un party privé, puis on va le faire. Tu sais, mais elle commence à... Elle commence à dire, ouais, 500 inscriptions. Pour le mec, m'a fait un tri là, pour choisir les 23. Je sais pas. Si elle fait sur 23 jours au lieu de la même journée, ça vous écœure-tu moins? Pas tant. C'est un peu dégueu ouais, aussi. Hein? Ouais, mais en partant, tu mets ça up front, ça m'écœure. Tu sais, ça peut arriver là qu'une fille célibataire en dedans d'une semaine se ramasse, je sais pas, moi, plusieurs gars, 3, 4, 5, 6, 7. Tu penses-tu à ça, toi, quand tu baises à... Qui l'a fait avant avec la personne qui est en couple maintenant? Ouais, ouais. C'est pas une conversation qui est le fun à avoir, ça. Comment ça? Non, mais... quand tu commences à fréquenter quelqu'un, les avant, non? Parce que moi, ma blonde a eu des chums un peu bizarres là, dans son jeune temps. Ouais, ça, on le sait. Des affaires de gauche, des gauchers, barbes. Des gauchers, des gauchers. Là, tu vas trouver ça terriblement épais, mais je suis payé pour être honnête. Là, mais dans le temps, j'étais célibataire. Quand je commençais à me poser ces questions-là, je prenais une bière de plus. Ouais. Quand les questions commençaient à popper, je dis, ouais, c'est le temps d'aller prendre une autre bière. Ouais. Puis le lendemain, ben, tu regrettes ou tu regrettes pas. Puis tu te poses ou tu te poses pas les questions, mais t'es, Qu'est-ce que tu comptes dans ta tête, Jérôme? J'ai réalisé des affaires. Je pense qu'on va m'arrêter là, sur c'est ces pas des moutons, là. Hein. C'est ouais, pas, non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Il a comme pogné le flic sur le plafond suspendu. Non, c'est parce que je viens de réaliser c'est peut-être que... là, l'impact de ma question. C'est parce que si tu commences à te poser trop de questions, tu feras plus rien, là. Non. Là, ça se c'est petit les... Québec aussi. Oui. Ben oui, c'est petit. Des fois, le domaine des médias, c'est petit. Il y a du monde qui se sont croisés souvent, là. C'est ça, les questions se posent dans les deux bords. Oh, hein? Oui, c'est... oui. Oh, oui. Ben, regarde, platement parlant, j'en connais des gars que j'ai croisés deux, trois fois. Deux, trois fois, même? Deux, trois fois. Avec la même fille. Je connais des gars dans ma, même vie, bassin, là. Dans ma vie de célibataire actif, je connais des gars que j'ai croisés deux, trois fois. Pas si qu'on se disait salut à tous les coups, là. Non, croisé. Croisé, c'est ça. Ah ben, ah ouais, ouais. Toi aussi. Hein? Ah, on a mais des points communs. Salut, c'est point du monde du domaine des médias ou... Ben, ça a l'air, ça fourre dans le monde des médias. Ça a l'air. Va dans n'importe quel domaine, puis tu vas te rendre compte que c'est un point commun, ça, avec. Sérieusement, ce qui se passe dans la chambre à coucher... À partir du moment où tout le monde a du plaisir, faites bien ce que vous voulez, là, mais moi, quelqu'un qui met ça dans le journal, qui s'en vante, ça m'a tout le temps écœuré, puis j'ai toujours pensé que celle qui faisait les plus grosses cochonnes, là, c'était pas nécessairement le meilleur spectacle et le meilleur divertissement quand t'arrivant de 40 ans. Non, des fois, les filles qui ont l'air les plus straight, des fois, ça peut être les plus... Moi, j'ai cette théorie-là. Ouais. Que j'ai eu la liberté de vérifier à quelques opportunités. Ouais, c'est ça. Puis je te confirme que souvent les personnes les plus rangées, les plus à leurs affaires, les plus pas tranquilles, mais celles qui ont les filles et les gars, je pense que c'est vrai pour les gars. Oui, aussi, c'est vrai pour vrai, les bavards, c'est pas nécessairement les meilleurs. Les gens qui ont pas le besoin d'en parler ou de s'en vanter le lendemain ou de se péter les bretelles, souvent c'est les meilleurs. Ouais, c'est ça. Mais elle, regarde, de toute façon, c'est même pas question de ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est se mettre sa map. Ouais. Elle commence une carrière dans le porn, puis elle veut avoir sa map, c'est tout. Me permets-tu d'être cru? Oui. Si 23 gars veulent se vider dans une fille qui veut se faire remplir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ben non, il n'est même pas question d'intervenir d'aucune façon. Je dirais pas bravo, parce que j'ai pas le goût. Ouais. Je vais dire urk parce que c'est ce que je pense. Ouais. Mais j'irai pas avec des pancartes en avant du club échangiste pour pas que ça se déroule. J'essaie juste de comprendre comment ça se passe dans la tête du gars qui dit, bon, OK, là, j'allume mon ordi puis je m'en vais m'inscrire. C'est quoi, c'est... Il est vraiment excité par ça. C'est quoi que... Qu'est-ce qui se passe dans la tête du gars qui dit, là, je m'en vais m'inscrire. Là. Je pense pas là, puis je vais être là, puis que... Comment ça marche dans le tête? J'ose croire que ça va être l'élément... filmé en passant, ben, ça, là. J'ose croire que l'élément qu'ils ont convaincu, c'est pas le nombre de gars. Ça doit être parce que la fille est cute, puis parce que moi, c'est une porn star. Moi, je pense que c'est ça. C'est que tous les gars se disent, hey, moi, je vais être le premier dans le film, puis elle est belle, puis ça doit être ça que le gars se dit. Je pense pas qu'il y en ait un maudit qui ait dit, je vais être le 13, c'est mon chiffre chanceux, puis il va en avoir eu 12 avant. Des maudits fuckés qui aiment ça, puis là, c'est pas un gangbang qui disent, mais des maudits fuckés qui aiment ça, des gangbangs, ça existe aussi, là. Ça, on se le cachera pas, là. Des maudits débiles qui veulent faire des gangbangs, ça existe. Il y en a. Ben oui. Il y en a. Ben oui. Puis, regarde, mais quand tu rentres là-dedans, c'est parce que. T'sais, moi, à partir du moment où tout le monde est consentant, si tu veux que je fasse, c'est sûr que si tu t'en vantes pis que t'en parles, c'est sûr que je vais te juger, mais pour le reste, ça t'appartient, fais donc ce que tu veux. Bon, oui, c'est ça. Hein? Là, il y a des gens que ça doit exciter, parce qu'il y a des gens qui prennent la défense de Madame Van Horny. Heidi Van Horny. C'est sûrement son vrai nom. en disant, tu sais, votre propre blonde, elle a eu des gars avant puis tout ça. Qu'est-ce qui vous dérange? Il y a deux affaires qui me dérangent. Premièrement, 23 gars dans la même journée, puis deuxièmement, que ce soit publicisé dans le journal, puis que ce soit filmé, ça m'écœure. Ma blonde, elle en a eu des chums, elle en a eu des gars avant moi, là, mais je les ai pas vus dans fil avant moi le même soir, tu comprends? Vous êtes pas dit salut dans le cadre de porte. Non! Ça aurait donné de drôle, de... en tout cas. Il est 9h13 à Radio X. Je dois absolument m'arrêter. Le temps nous presse. Le temps nous presse. On revient, ce sera pas long. Du matin.